Je voyage dans ma mémoire. Quotidienne poétique proposée par Greg Germain. Dans les années 98, c'était la commémoration de l'abolition de l'esclavage et Patrick Chamoiseau a écrit un livre formidable qui s'appelle « L'esclave, vieil homme et le molosse ». J'ai lu ce livre, j'en suis tombé absolument amoureux et j'ai voulu en faire un spectacle d'1h10, 1h15, un seul en scène. Je n'avais jamais encore fait de seul en scène. Alors, l'esclave vieil homme et le molosse, c'est un livre qui parle d'un esclave vieil homme qui travaille sur une habitation. Personne ne connaît son âge, il est vieux, il est dans un coin, il s'occupe de la cuisson du sucre. Il ne dit jamais rien jusqu'à ce qu'un jour, le maître reçoit un chien, un molosse, qu'il destine à traquer ceux qui partent, ceux qui veulent fuir l'esclavage, comme on les appelle les nègres marrons, ceux qui marronnent. Et le début du livre, où Chamoiseau décrit le vieil homme, décrit l'habitation et décrit le molosse, est magnifique. C'est vraiment très poétique. Je voudrais vous dire ça. Les champs de canne à sucre cernent l'habitation qui se situe dans le nord du pays, entre le flanc d'une montagne volcan et les bois très épais. Bois de ravines sombres, hérissés de ruines d'une époque oubliée. Bois d'arbres chanteurs, peuplés de diablesses opalines. 167 esclaves sur l'habitation, femmes et marmailles compris. Deux commandeurs mulâtres qui régentent les travaux quotidiens. Elle est propriété d'un maître becquet dont le patronyme vibre d'une particule. Revêtu d'un lin blanc et d'un casque toilé, il mène ses inspections du haut d'un alezan d'Arabie, tel un conquistador tombé d'un pli du temps. Le molosse qu'il a reçu ce jour-là était un monstre. Lui aussi avait voyagé en bateau durant des semaines d'une sorte d'épouvante. Lui aussi avait connu ce gouffre du voyage en vaisseau négrier. Les chairs nègres, entassées dans la cale, enveloppaient cet enfer à voilure d'une auréole que sa fureur percevait et que les requins poursuivaient à travers l'océan. Le molosse avait connu de même les sorties à l'air libre où sous l'aiguillon du fouet, on le forçait à tourner tels les nègres captifs pour se huiler les muscles et humer un peu d'iode des grands larges. Après le maître, l'esclave vieil homme fut le premier à voir le molosse. L'esclave vieil homme et le molosse s'étaient regardés. Le molosse avait tout la même aboyé, même plus qu'aboyé. Il s'était débondé en enragé, terrible, baveuse, avec le poil catastrophé, tel une crinière de lion. Le maître becquet s'était montré ravi d'une telle réaction, certain que la chair noire lui ouvrait l'appétit. Il l'avait flatté avec un chicot de viande vive, un peu d'eau particulière cueillie lors d'un orage, et le molosse s'était calmé jusqu'à ne plus jamais aboyer contre quiconque. Devant l'énigmatique fureur du chien, l'esclave vieil homme était resté, comme d'habitude, plus opaque et plus dense qu'un cœur de bois bombe, brûlé 7 fois et rebrûlé d'autant. Et donc, je ne vais pas aller plus loin, ce vieil homme esclave, comme vous l'imaginez, va s'enfuir. Alors qu'il n'avait jamais rien dit, qu'il n'avait jamais rien fait, il va en fait défier le molosse. Et tout le livre, c'est la course de ce vieil homme à travers bois, poursuivi par le molosse, qui a depuis longtemps lâché le maître. Le maître est parti avec lui, mais le molosse s'est enfui, enfin à la poursuite, tandis que le maître n'a pas le temps. Et ce livre, c'est les pensées du maître qui se trouve tout seul dans cette forêt, les pensées de l'esclave, du vieil homme qui court, et les pensées du molosse qui le poursuit. C'est extraordinaire. Je vous le conseille, l'esclave vieil homme et le molosse.